nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si nous voulons garder racine, éloignons-le. Un théâtre qui n'est pas bavard, bien moins que celui de Corneille. Le héros qui doit être coupable, qui doit être responsable de ce qui est hors de soi, avant soi. Et le rubato est le ténébroso racinien. La tragédie, un échec qui parle. L'ingratitude comme forme obligée de la liberté. Enregistré au Festival d'Avignon en 1996, voici Texte nu, Honneur et bonheur du théâtre, une émission de Claude Santelli, qui accueillait Françoise Fabian pour une lecture de « Sur Racine » de Roland Barthes. Françoise Fabian, elle me permet un petit souvenir personnel, très vite. J'avais 12 ans, j'étais écolier. Un matin de novembre très brumeux, un professeur génial, dont j'ai vaguement oublié le nom, il s'assied, il nous dit, Phèdre, que ces 20 ornements... Et j'en suis resté ébloui, mais pas ébloui parce que c'était beau, parce que c'était sonore, et plus de quelque chose d'infiniment plus profond. Que ces fins ornements, que ces voiles me pèsent, qu'à n'importe une main, on fait brava. C'est ma première vraie rencontre avec Racine. Jusque-là, on vous dit, c'est classique, c'est cinq actes, c'est un lieu, c'est un temps. Et puis, j'ose dire, 40 et quelques années plus tard, Françoise, oui. Et quelqu'un, un fou, me dit, Britannicus avec Françoise. Et je dois dire que cette rencontre, nous avons joué avec Agrippine. J'espère bien qu'un jour, nous jouerons aussi avec Roxane, avec Phèdre. Mais nous savions déjà, l'un et l'autre, qu'il faut toujours aller plus loin, qu'on n'a jamais vraiment tout à fait compris Racine, que cette musicalité, cette clarté, cette fameuse clarté française, n'est rien auprès des mystères profonds. Françoise, il faut dire un avantage, c'est qu'elle est la Méditerranée. Et ce Racine en perruquet de Versailles n'est pas très loin de cela. Il la découvre de loin, comme cela, cette Méditerranée d'eau, de feu et de poussière, comme dit Barthes. Elle vous a impressionné, ému, il y a 2 ans, si vous étiez là, à Texte nu, quand elle nous disait les textes de Camus, qu'elle évoquait Tipaza, son lieu de naissance, l'été, ses pierres, chauffées au soleil, qui sont celles de la tragédie, parce que l'ombre n'est jamais bien loin. L'ombre est le drame. Il y a, chez Barthes précisément, la possibilité de se laisser conduire, de découvrir que dans cette luminosité, quelles ombres se cachent, qu'il va nous faire découvrir, comme on entre dans le labyrinthe de Phèdre. Et puis inversement, les clartés qu'il va jeter sur cette ombre même. Mais, Françoise, avec... son visage pourrait être la fille d'Athéna, c'est comme ça que je l'ai toujours vue, avec ses mains. Elle sort comme Thétis sortant de l'eau. C'est elle qui va nous chercher au fond des eaux avec l'aide de Roland Barthes. Ces joyaux nouveaux et éclatants qui sont Racine. À toi. Il y a 3 Méditerranées dans Racine. L'antique, la juive et la byzantine. Mais poétiquement, ces 3 espaces ne forment qu'un seul complexe d'eau, de poussière et de feu. Les grands lieux tragiques sont des terres arides, resserrées entre la mer et le désert, l'ombre et le soleil, portées à l'état absolu. Il suffit de visiter aujourd'hui la Grèce pour comprendre la violence de la petitesse et combien la tragédie racinienne, par sa nature contrainte, s'accorde à ces lieux que Racine n'avait jamais vus. Thèbes, Buthrote, Trézène, ces capitales de la tragédie sont des villages, Trézène, où Phèdre se meurt, est un tertre aride, fortifié de pierrailles. Le soleil fait un extérieur pur, net, dépeuplé. La vie est dans l'ombre, qui est à la fois repos, secret, échange et faute. Même hors la maison, il n'y a pas de vrai souffle. C'est le maquis, le désert, un espace inorganisé. L'habitat racinien ne connaît qu'un seul rêve de fuite, la mer, les vaisseaux. Dans Iphigénie, tout un peuple reste prisonnier de la tragédie parce que le vent ne se lève pas. Cette géographie soutient un rapport particulier de la maison et de son extérieur, du palais racinien et de son arrière-pays. Bien que la scène soit unique, conformément à la règle, on peut dire qu'il y a trois lieux tragiques. Il y a d'abord la chambre, reste de l'antre mythique. C'est le lieu invisible et redoutable où la puissance est tapie. Chambre de Néron, palais d'Assuérus, saint des saints, où loge le dieu juif. Cet antre a un substitut fréquent, l'exil du roi, menaçant, parce qu'on ne sait jamais si le roi est vivant ou mort. Amura, Mithridate, Thésée. Les personnages ne parlent de ce lieu indéfini qu'avec respect et terreur. Ils osent à peine y entrer. Ils croisent devant avec anxiété. Cette chambre est à la fois le logement du pouvoir et son essence. Car le pouvoir n'est qu'un secret. Sa forme épuise sa fonction. Il tue d'être invisible. Dans Bajazet, ce sont les muets qui portent la mort, prolongent par le silence et l'obscurité l'inertie terrible du pouvoir. La chambre est contiguë au second lieu tragique, qui est l'antichambre. Espace éternel de toutes les suggestions, puisque c'est là qu'on attend. L'antichambre, la scène, à proprement dit, est un milieu de transmission. Elle participe à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, du pouvoir et de l'événement, du caché et de l'étendue. Saisie entre le monde, lieu de l'action, et la chambre, lieu du silence, l'antichambre est l'espace du langage. C'est là que l'homme tragique, perdu entre la lettre et le sens des choses, parle ses raisons. La scène tragique n'est donc pas proprement secrète, c'est plutôt un lieu aveugle, passage, anxieux, du secret à l'effusion, de la peur immédiate à la peur parlée. Et c'est pourquoi la station qui est imposée au personnage tragique est toujours d'une extrême mobilité. Entre la chambre et l'antichambre, il y a un objet qui exprime d'une façon menaçante à la fois la contiguïté et l'échange, le frôlage du chasseur et de sa proie, c'est la porte. On y veille, on y tremble. La franchir est une tentation et une transgression. Toute la puissance d'Agrippine se joue à la porte de Néron. La porte a un substitut actif, requis lorsque le pouvoir veut épier l'antichambre ou paralyser le personnage qui s'y trouve, c'est le voile. Dans Britannicus, par exemple, lorsqu'il se reposait sur moi de tout l'état, que mon ordre au palais assemblait le Sénat et que derrière un voile, invisible et présente, j'étais de ce grand corps, l'âme toute puissante. Le voile, le mur qui écoute, n'est pas une matière inerte destinée à cacher. Il est paupière, symbole du regard masqué. La scène racinienne est ainsi doublement spectacle, aux yeux de l'invisible et aux yeux du spectateur. Le lieu qui exprime le mieux cette contradiction est le sérail de Bajazet. Le troisième lieu tragique, c'est l'extérieur. De l'antichambre à l'extérieur, il n'y a aucune transition. Ils sont collés l'un à l'autre d'une façon aussi immédiate que l'antichambre et la chambre. Cette contiguïté est exprimée poétiquement par la nature, pour ainsi dire, linéaire de l'enceinte tragique. Les murs du palais plongent dans la mer, les escaliers donnent sur les vaisseaux, tout prêts à partir. Les remparts sont un balcon au-dessus du combat même. Et s'il y a chemin dérobé, ils ne font déjà plus partie de la tragédie, ils sont déjà en fuite. L'extérieur est en effet l'étendue de la non-tragédie. Il contient trois espaces, celui de la mort, celui de la fuite et celui de l'événement. La mort physique n'appartient jamais à l'espace tragique. Athalide se tue en scène, mais expire hors de scène. Dans la tragédie, on ne meurt jamais en scène, parce qu'on parle toujours. Et inversement, sortir de la scène, c'est pour le héros, d'une manière ou d'une autre, mourir. Les sorties de Roxane à Bajazet sont des arrêts de mort. Et ce mouvement est le modèle de toute une série d'issues où il suffit au bourreau de congédier ou d'éloigner sa proie pour la faire mourir. Comme si le seul contact de l'air extérieur devait la dissoudre ou la foudroyer. Combien de victimes raciniennes meurent ainsi, de n'être plus protégées par ce lieu tragique qui pourtant, disait-elle, les faisait souffrir mortellement. Britannicus, Bajazet, Hippolyte. Le second espace extérieur, c'est celui de la fuite. Mais la fuite n'est jamais nommée que pour la caste inférieure des familiers. Les confidents et les comparses ne cessent de recommander aux héros la fuite sur l'un de ces innombrables vaisseaux qui croisent devant toute tragédie racinienne pour lui représenter combien sa négation est proche et facile. Nos vaisseaux sont tout prêts et le vent nous appelle. La troisième fonction de l'espace extérieur, c'est tenir l'acte dans une sorte de quarantaine où ne peut pénétrer qu'une population neutre, chargée de trier les événements, d'extraire de chacun d'eux l'essence tragique et de n'apporter sur scène que des fragments d'extérieur purifiés sous le nom de nouvelles, anoblis sous celui de récits, batailles, suicides, retours, meurtres, festins, prodiges. Car, face à cet ordre du seul langage qu'est la tragédie, l'acte est l'impureté même. Enfermé dans l'antichambre, la scène, recevant de l'extérieur la seule nourriture que lui apporte le confident, le héros vit dans une incertitude irrémédiable. L'événement lui manque. Il y a toujours un temps de trop, le temps même de l'espace. Ce problème tout échtéinien fait la plupart des actions tragiques. En somme, la topographie racinienne est toujours convergente. Tout concourt vers le lieu tragique, mais tout s'y englue. Le lieu tragique est un lieu stupéfié, saisi entre deux peurs, entre deux fantasmes, celui de l'étendue et celui de la profondeur. Voilà donc une première définition du héros tragique. Il est l'enfermé. Celui qui ne peut sortir sans mourir. Sa limite est son privilège, la captivité, sa distinction. Ôter le peuple domestique, défini paradoxalement par sa liberté même, que reste-t-il dans le lieu tragique? Une caste, glorieuse à proportion de son immobilité. D'où vient-elle? Certains auteurs ont affirmé qu'au temps les plus reculés de notre histoire, les hommes vivaient en horde sauvage. Chaque horde était asservie au mâle le plus vigoureux qui possédait indistinctement femmes, enfants et biens. Les fils étaient dépossédés de tout. La force du père les empêchait d'obtenir les femmes, sœurs ou mères qu'ils convoitaient. Si par malheur ils provoquaient la jalousie du père, ils étaient impitoyablement tués, châtrés ou chassés. Aussi, les fils finirent-ils par s'associer pour tuer le père et prendre sa place. Le père tué, la discorde éclata entre les fils. Ils se disputèrent âprement son héritage et ce n'est qu'après un long temps de lutte fratricide qu'ils en vinrent à fonder entre eux une alliance raisonnable. Chacun renonçait à convoiter la mère ou les sœurs. Le tabou de l'inceste est institué. Cette histoire, même si elle n'est qu'un roman, c'est tout le théâtre de Racine. Que l'on fasse des 11 tragédies une tragédie essentielle, que l'on dispose dans une sorte de constellation exemplaire cette tribu d'une cinquantaine de personnages qui habitent la tragédie racinienne, et l'on y retrouvera les figures et les actions de la horde primitive. Le père, propriétaire inconditionnel de la vie des fils, Mithridate, Agamemnon, Thésée, Mardochée, Agrippine, même. Les femmes, à la fois mères, sœurs et amantes, toujours convoitées, rarement obtenues, Andromaque, Junie, Attalide, Monime. Les frères, toujours ennemis, parce qu'ils se disputent l'héritage du père. Le père qui n'est pas tout à fait mort et revient les punir. Étéocle et Polynice, Britannicus et Néron, Pharnace et Xiphares. Le fils, enfin, déchiré jusqu'à la mort, entre la terreur du père et la nécessité de le détruire. Pyrrhus, Néron, Titus, Pharnace, Athalie. L'inceste, la rivalité des frères, le meurtre du père, la subversion des fils, voilà les actions fondamentales du théâtre racinien. Nous ne savons pas bien ce qui est représenté ici. Est-ce, selon l'hypothèse de Darwin, un très vieux fond folklorique, un état à peu près asocial de l'humanité? Est-ce, selon l'hypothèse de Freud, la toute première histoire de la psyché reproduite dans l'enfance de chacun de nous? Je constate seulement que le théâtre racinien ne trouve sa cohérence qu'au niveau de cette fable ancienne, située très en arrière de l'histoire ou de la psyché humaine. La pureté de la langue, les grâces de l'alexandrin, la précision de la psychologie, le conformisme de la métaphysique sont ici des protections très minces. Le tuf archaïque est là, tout près. Cette action originelle n'est pas jouée par des personnages, au sens moderne du terme. Racine, à l'époque, les appelait beaucoup plus justement des acteurs. Il s'agit au fond de masques, de figures, qui reçoivent leurs différences, non pas de leur état civil, mais de leur place dans la configuration générale qui les tient enfermés. L'unité tragique n'est donc pas l'individu, mais la figure, ou mieux encore, la fonction qui la définit. Dans la horde primitive, les rapports humains se rangent sous deux catégories principales, la relation de convoitise et la relation d'autorité. Ce sont celles-là que l'on retrouve obsessionnellement chez Racine. Il y a deux héros raciniens. Le premier naît entre les amants d'une communauté très lointaine d'existence. Ils ont été élevés ensemble, ils s'aiment, ou l'un aime l'autre depuis l'enfance. Britannicus et Junie, Antiochus et Bérénice, Bajazet et Attalide. La génération de l'amour comporte ici une durée, une maturation insensible. Il y a en somme entre les deux partenaires une médiation, celle du temps, du passé, bref, une légalité. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont fondé la légitimité de cet amour. L'autre amour, au contraire, est un amour immédiat. Il naît brusquement. Sa génération n'admet aucune latence. Il surgit à la façon d'un événement absolu, ce qu'exprime en général un passé défini brutal. Je le vis, elle me plut, etc. Ce héros événement, c'est celui qui attache Néron à Junie, Bérénice à Titus, Phèdre à Hippolyte. Le héros y est saisi, lié comme par un rapt. Et ce saisissement est toujours d'ordre visuel. Aimer, c'est voir. C'est d'ailleurs parce que chez Racine, l'amour est une pure épreuve de fascination qu'il se distingue si peu de la haine. La haine est toujours ouvertement physique. Elle est sentiment aigu de l'autre corps. Comme l'amour, elle naît de la vue, s'en nourrit. Et comme l'amour, elle produit une vague de joie. Racine a très bien donné la théorie de cette haine charnelle dans sa première pièce, La Thébaïde. C'est donc l'aliénation qui constitue l'éros racinien. Il s'ensuit que le corps humain n'est pas traité en termes plastiques, mais en termes magiques. Il est essentiellement émoi, défection, désordre. Les vêtements, dont on sait qu'ils prolongent le corps d'une façon ambiguë, à la fois pour le masquer et pour l'afficher, ont à charge de théâtraliser l'état du corps. Il pèse s'il y a faute, il se défond s'il y a désarroi. Le geste implicite ici, c'est la mise à nu. Phèdre, Bérénice, Junie, belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. La démonstration simultanée de la faute et de la séduction, car chez Racine, le désordre charnel est toujours d'une certaine manière chantage, tentative d'apitoiement, parfois poussée jusqu'à la provocation sadique. telle est la fonction implicite de tous les troubles physiques, si abondamment notés par Racine. La rougeur, la pâleur, la succession brusque de l'une et de l'autre, les soupirs, les pleurs enfin, dont on sait le pouvoir érotique. Il s'agit toujours d'une réalité ambiguë, à la fois expression et acte, refuge et chantage. Bref, le désordre racinien est essentiellement un signe, un signal et une communication. L'émoi le plus spectaculaire, le mieux accordé à la tragédie, c'est celui qui atteint l'homme racinien dans son centre vital, dans son langage. J'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue. Et dès le premier mot, ma langue embarrassée dans ma bouche 20 fois et demeurée glacée. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. L'interdiction de parole, dont certains auteurs ont suggéré la nature sexuelle, est très fréquente chez le héros racinien. Elle exprime parfaitement la stérilité de la relation érotique, son immobilité. Pour pouvoir rompre avec Bérénice, Titus se fait aphasique. C'est-à-dire que d'un même mouvement, il se dérobe et s'excuse. Le « je vous aime trop » ou le « je ne vous aime pas assez » trouvent ici économiquement un signe commun. Fuir la parole, c'est fuir la relation de force. C'est fuir la tragédie. La vue du corps adverse trouble le langage et le dérègle. Soit qu'elle l'exagère, soit qu'elle le frappe d'interdit. Le héros racinien ne parvient jamais à une conduite juste en face du corps d'autrui. La fréquentation réelle est toujours un échec. N'y a-t-il donc aucun moment où l'éros racinien soit heureux? Si, précisément, lorsqu'il est irréel, le corps adverse est bonheur seulement lorsqu'il est image, les moments réussis de l'érotique racinienne sont toujours des souvenirs. Ils ne s'expriment jamais qu'à travers le récit. L'imagination est toujours rétrospective et le souvenir a toujours l'acuité d'une image. La naissance de l'amour est rappelée comme une véritable scène. Le souvenir est si bien ordonné qu'il est parfaitement disponible. On peut le rappeler à loisir avec la plus grande chance d'efficacité. Ainsi, Néron revit le moment où il est devenu amoureux de Junie. Eriphile, celui où Achille l'a séduite. Andromaque, celui où Pyrrhus s'est offert à sa haine, puisque la haine ne suit pas d'autre procès que l'amour. Bérénice revoit avec un trouble amoureux l'apothéose de Titus. Phèdre s'émeut de retrouver dans Hippolyte l'image de Thésée. Il y a là comme une sorte de transe. Le passé redevient présent, sans cesser pourtant d'être organisé comme un souvenir. Le sujet vit la scène sans être submergé ni déçu par elle. Ces scènes érotiques sont en effet de véritables fantasmes rappelés pour alimenter le plaisir ou l'aigreur et soumis à tout un protocole de répétition. Le théâtre racinien connaît d'ailleurs un état encore plus explicite du fantasme érotique. C'est le rêve. Le songe d'Athalie est, dans la lettre, une prémonition. Mythiquement, c'est une rétrospection. Athalie ne fait que revivre l'éros qui la lie au jeune enfant. Une fois de plus, la scène où elle l'a vue pour la première fois. Ce qui frappe dans le fantasme racinien et qui est sa grande beauté, c'est son aspect plastique. L'enlèvement de Junie, le rapt d'Eriphile, la descente de Phèdre au labyrinthe, le triomphe de Titus et le songe d'Athalie sont des tableaux. Il se range délibérément sous les normes de la peinture. Non seulement les scènes sont composées, les personnages et les objets y ont une disposition calculée en vue d'un sens global, elles appellent le voyeur ou le lecteur à une participation intelligente. Mais aussi et surtout, elles ont de la peinture la spécialité même, le coloris. Rien de plus près du fantasme racinien qu'un tableau de Rembrandt, par exemple. Dans les deux cas, la matière est organisée dans son immatérialité même. C'est la surface qui est créée. Tout fantasme racinien suppose ou produit un combinat d'ombre et de lumière. L'origine de l'ombre, c'est la captivité. Le tyran voit la prison comme une ombre où se plonger et s'apaiser. Toutes les captives raciniennes, il y en a presque une par tragédie, sont des vierges médiatrices et consolatrices. Elles donnent à l'homme la respiration, ou du moins c'est ce qu'il leur demande. Alexandre, solaire, aime en Cléophile sa prisonnière. Pyrrhus, doué d'éclat, trouve dans Andromaque l'ombre majeure, celle du tombeau où les amants s'ensevelissent dans une paix commune. Pour Néron, incendiaire, Junie est à la fois l'ombre et l'eau, les pleurs. Bajazet est un être d'ombre, confiné dans le sérail. Phèdre, fille du soleil, Désir Hippolyte, l'homme de l'ombre végétale des forêts. Toujours la même constellation se reproduit, du soleil inclétant et de l'ombre bénéfique. Car il s'agit là d'une véritable inversion de la métaphore commune. Dans le fantasme racinien, ce n'est pas la lumière qui est noyée d'ombre. L'ombre n'envahit pas. C'est le contraire. L'ombre se transperce de lumière, l'ombre se corrompt, résiste et s'abandonne. C'est ce pur suspense. C'est l'atome fragile de durée où le soleil fait voir la nuit sans encore la détruire, qui constitue ce que l'on pourrait appeler le ténébroso racinien. Le clair-obscur est la matière sélective du déchiffrement, et c'est bien ce qu'est le ténébroso, à la fois tableau et théâtre. Tableau vivant, si l'on veut, mouvement figé, offert à une lecture indéfiniment répétée. Les grands tableaux raciniens présentent toujours ce grand combat mythique et théâtral de l'ombre et de la lumière. D'un côté, la nuit, les ombres, les cendres, les larmes, le sommeil, le silence, la douceur timide, la présence continue. De l'autre, tous les objets de la stridence, les armes, les aigles, les flambeaux, les faisceaux, les étendards, les cris, les vêtements éclatants, le lin, la pourpre, l'or, l'acier, le bûcher, les flammes, le sang. On comprend pourquoi il y a chez Racine ce que l'on pourrait appeler un fétichisme des yeux. Triste levant au ciel ses yeux mouillés de larmes, ou de mes larmes au ciel j'offrais le sacrifice. Les yeux sont par nature de la lumière offerte à l'ombre, ternis par la prison, ennuagés par les larmes. L'état parfait du ténébroso racinien, ce sont des yeux en larmes et levés vers le ciel. C'est là un geste qui a été souvent traité par les peintres, comme symbole de l'innocence martyrisée. Dans Racine, il est sans doute cela, mais il résume surtout un sens personnel de la substance. Non seulement la lumière s'y purifie d'eau, perd de son éclat, s'étale, devient nappe heureuse, mais le mouvement ascensionnel lui-même indique peut-être moins une sublimation qu'un souvenir, celui de la terre, de l'obscurité dont ses yeux sont partis. C'est un mouvement qui est ici saisi dans son entretien même, en sorte qu'il représente simultanément, par un paradoxe précieux, les deux termes du conflit et du plaisir. Le ténébroso racinien constitue une véritable photogénie. Non seulement parce que l'objet y est purifié de ses éléments inertes et que tout en lui brille ou s'éteint, mais encore parce que, donné comme un tableau, il dédouble l'acteur tyran ou l'acteur victime, fait de lui un spectateur, lui permet de recommencer sans fin devant lui-même l'acte sadique ou masochiste. C'est ce dédoublement qui fait toute l'érotique racinienne. Le conflit est fondamental chez Racine. On le trouve dans toutes ses tragédies. Il ne s'agit nullement d'un conflit d'amour, celui qui peut opposer deux êtres dont l'un aime et l'autre n'aime pas. Le rapport essentiel est un rapport d'autorité. L'amour ne sert qu'à le révéler. Le théâtre racinien n'est pas un théâtre d'amour. Son sujet est l'usage d'une force au sein d'une situation généralement amoureuse. Mais pas forcément. C'est l'ensemble de cette situation que Racine appelle la violence. Son théâtre est un théâtre de violence. L'homme racinien est engagé dans un paradoxe insoluble. S'il possède, il détruit. S'il reconnaît, il se frustre. Il ne peut choisir entre un pouvoir absolu et un amour absolu. entre le viol et l'oblation. La tragédie est précisément la représentation de cette immobilité. Un bon exemple de cette dialectique impuissante, c'est le rapport d'obligation qui unit la plupart des couples raciniens. Situé d'abord dans le ciel de la morale la plus sublime, « je vous dois tout », dit le sujet racinien à son tyran. La reconnaissance se révèle bientôt comme un poison. On sait l'importance de l'ingratitude dans la vie de Racine. Le monde racinien est fortement comptabilisé. Et on y suppute sans cesse des bienfaits et des obligations. Par exemple, Néron, Titus, Bajazet se doivent à Agrippine, Bérénice, Roxane. Mais c'est précisément parce que la relation est obligatoire qu'elle est bloquée. C'est parce que Néron doit le trône à Agrippine qu'il la tuera. La nécessité en quelque sorte mathématique d'être reconnaissant désigne le lieu et le moment de la rébellion. L'ingratitude est la forme obligée de la liberté. Si elle est difficile, c'est qu'elle est vitale. Elle concerne la vie même du héros. Le modèle de l'ingratitude racinienne est en effet parental. Le héros doit être reconnaissant envers son tyran, exactement comme l'enfant envers les parents qui lui ont donné la vie. Mais par là même, être ingrat, c'est naître de nouveau. L'ingratitude est ici un véritable accouchement, d'ailleurs manqué. Formellement, l'obligation, son nom l'indique assez, est un lien. En termes raciniens, le signal même de l'intolérable. On ne peut le rompre que par une véritable secousse, une détonation catastrophique. Qui est cet autre dont le héros ne peut se séparer? D'abord, de la façon la plus explicite, c'est le père. Il n'y a pas de tragédie où il ne soit réellement ou virtuellement présent. Ce n'est pas forcément ni le sang, ni le sexe qui le constitue, ni même le pouvoir. Son être, c'est son antériorité. Ce qui vient après lui est issu de lui, engagé inéluctablement dans une problématique de la fidélité. Le père, c'est le passé. Et c'est parce que sa définition est très loin derrière ses attributs, sang, autorité, âge, sexe, qu'il est vraiment et toujours un père total. Au-delà de la nature, il est un fait primordial, irréversible. Ce qui a été, est. Voilà le statut du temps racinien. Cette identité est naturellement pour Racine le malheur même du monde, voué à l'ineffaçable, à l'inexpiable. C'est en ce sens que le père est immortel. Son immortalité est marquée bien plus par le retour que par la survie. Mithridate, Thésée, Amura reviennent de la mort, rappellent au fils ou au frère cadet, c'est la même chose, qu'on ne peut jamais tuer le père. Dire que le père est immortel veut dire que l'antériorité est immobile. Lorsque le père manque, même provisoirement, tout se défait. Lorsqu'il revient, tout s'aliène. L'absence du père constitue le désordre. Le retour du père institue la faute. Le sang, qui tient une place éminente dans la métaphysique racinienne, est un substitut étendu du père. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'une réalité biologique, non, mais essentiellement d'une forme. Le sang est une antériorité plus diffuse et partant plus terrible que le père. C'est un être transtemporel qui tient à la façon d'un arbre. Il tient. C'est-à-dire qu'il dure d'un seul bloc et qu'il possède, retient, englue. Le sang est donc à la lettre une loi, ce qui veut dire un lieu et une légalité. Le seul mouvement qui soit permis au fils est de rompre, non de se détacher. On retrouve ici l'impasse de la relation autoritaire, l'alternative catastrophique du théâtre racinien. Ou le fils tue le père, ou le père détruit le fils. Dans Racine, les infanticides sont aussi nombreux que les parricides. La lutte inexpiable du père et du fils est celle de Dieu et de la créature. Dieu ou les dieux ? On sait que dans le théâtre racinien, les deux fables existent, l'antique et la juive. Mais en vérité, Racine ne retient dans les dieux païens que leur nature oppressive. Par la malédiction qu'ils attachent au sang, les dieux ne font que garantir le caractère inexpiable du passé. Leur pluriel recouvre une fonction unique, qui est celle-là même du dieu juif, la vengeance et le paiement, mais un paiement qui excède toujours la faute, en sorte qu'il s'agit d'un dieu, pour ainsi dire, antérieur à la loi restrictive du Talion. Le seul, le vrai dieu racinien n'est ni grec ni chrétien, c'est le dieu de l'Ancien Testament. Dans sa forme littérale et comme épique, c'est Yahvé. Tous les conflits raciniens sont construits sur un modèle unique, celui du couple formé par Yahvé et son peuple. Ici et là, le rapport est fait d'une aliénation réciproque. Fils et père, esclave et maître, victime et tyran, amant et amante, créature et divinité sont liés par un dialogue sans issue et sans médiation. Il s'agit dans tous les cas d'un rapport immédiat. Le langage que le héros racinien parle au ciel est toujours en effet un langage de combat et de combat personnel. Le dieu racinien existe à proportion de sa malignité, mangeur d'hommes comme la plus archaïque des créatures. Des divinités, ses attributs habituels sont l'injustice, la frustration, la contradiction. Mais son être est la méchanceté. La méchanceté est toujours précise. En sorte qu'on peut dire que la tragédie racinienne est l'art de la méchanceté. C'est parce que Dieu manie la symétrie qu'il fonde un spectacle. Sa malignité est esthétique. Il donne un beau spectacle à l'homme, celui de sa dépression. Racine écrit dans la préface d'Esther : « Je pourrais remplir toute mon action avec les seules scènes que Dieu lui-même, pour ainsi dire, a préparées. » Comme organisateur du spectacle tragique, Dieu s'appelle le destin. On comprend maintenant ce qu'est le destin racinien. Ce n'est pas tout à fait Dieu, c'est un en deçà de Dieu, une façon de ne pas nommer sa méchanceté. Le destin permet au héros tragique de s'aveugler partiellement sur la source de son malheur, d'en situer l'intelligence originelle, le contenu plastique, en éludant d'en désigner la responsabilité. Ainsi, la tragédie est toujours procès de Dieu. Mais procès infini, procès suspendu et retourné. Tout Racine tient dans cet instant paradoxal où l'enfant découvre que son père est mauvais et veut pourtant rester son enfant. À cette contradiction, il n'existe qu'une issue, et c'est la tragédie même, que le fils prenne sur lui la faute du père, que la culpabilité de la créature décharge la divinité. Le père accable injustement. Il suffira de mériter rétroactivement ses coups pour qu'ils deviennent justes. On peut dire que tout héros tragique naît innocent. Il se fait coupable pour sauver Dieu. La théologie racinienne est une rédemption inversée. C'est l'homme qui rachète Dieu. On voit maintenant quelle est la fonction du sang ou du destin. Il donne à l'homme le droit d'être coupable. La culpabilité du héros est une nécessité fonctionnelle. Si l'homme est pur, c'est Dieu qui est impur, et le monde se défait. Il est donc nécessaire que l'homme tienne sa faute comme son bien le plus précieux. Et quel moyen plus sûr d'être coupable que de se faire responsable de ce qui est hors de soi, avant soi ? Dieu, le sang, le Père, la loi, bref, l'antériorité devient par essence accusatrice. Cette forme de culpabilité absolue n'est pas sans rappeler ce qu'en politique totalitaire on appelle la culpabilité objective. Le monde est un tribunal. Si l'accusé est innocent, c'est le juge qui est coupable. Donc, l'accusé prend sur lui la faute du juge. Cette mécanique de la culpabilité alimente tous les conflits raciniens, y compris les conflits amoureux. Dans Racine, il n'y a qu'un seul rapport. Celui de Dieu et de la créature. Cette alliance terrible c'est la fidélité. Le héros éprouve à l'égard du père l'horreur même d'un englument. Il est retenu dans sa propre antériorité comme dans une masse possessive qui l'étouffe. C'est ce qu'éprouve Titus, par exemple. Son père vivant, il était libre. Son père mort, le voilà enchaîné. C'est donc essentiellement à sa force de rupture que l'on mesure le héros racinien. C'est fatalement son infidélité qui l'émancipe. Les figures les plus régressives sont celles qui restent soudées au père, enveloppées dans sa substance, comme Hermione, Xipharès, Iphigénie. D'autres figures, tout en étant, en restant inconditionnellement soumises au père, vivent cette fidélité comme un ordre funèbre et la subissent dans une plainte détournée. Andromaque, Oreste, Antigone, Junie, Antiochus. D'autres enfin, et ce sont les vrais héros raciniens, accèdent pleinement au problème de l'infidélité. Taxile, Néron, Titus, Pharnace, Achille, Phèdre, Athalie, et de tous le plus émancipé, Pyrrhus. Ils savent qu'ils veulent rompre, mais n'en trouvent pas le moyen. Ils savent qu'ils ne peuvent passer de l'enfance à la maturité sans un nouvel accouchement, qui est en général le crime, parricide, matricide ou déicide. Ils sont définis par le refus d'hériter. Voilà le dilemme. Comment en sortir ? Et d'abord, quand en sortir ? La fidélité est un état panique. Elle se vit comme une clôture dont le bris est une secousse terrible. Traqué, le héros racinien veut se précipiter dehors. Mais ce mouvement même, la tragédie le suspend. L'homme racinien est surpris dans son dégagement. Il est l'homme du que faire, non du faire. Il appelle, il invoque une action, il ne l'accomplit pas. Il pose des alternatives, mais ne les résout pas. Il vit poussé à l'acte, mais ne se projette pas en lui. Il connaît des dilemmes, non des problèmes. Il est rejet plus que projet, excepté encore une fois Pyrrhus. Faire pour lui, ce n'est pas changer. Cette nature suspendue de l'alternative s'exprime dans d'innombrables discours raciniens. L'articulation habituelle en est « ah, plutôt », ce qui veut dire « tout, y compris la mort », plutôt que de continuer ainsi. C'est pourquoi l'échec racinien provient finalement d'une impuissance à concevoir le temps autrement que comme une répétition. La durée racinienne est circulaire. Elle additionne et ramène sans jamais rien transformer. Bérénice est l'exemple le plus pur de cette rotation dont il ne sort, comme a si bien dit Racine, rien. Saisi par ce temps immobile, l'acte tend au rite. Ce temps répétition est naturellement celui qui définit la vendetta, la génération infinie et comme immobile des crimes. Des frères ennemis à Athalie, l'échec de tous les héros raciniens, c'est d'être renvoyé inexorablement à ce temps circulaire. Ce que la tragédie racinienne met au jour, c'est une véritable universalité du langage. Le langage absorbe ici, dans une sorte de promotion enivrée, toutes les fonctions. On pourrait presque dire que c'est un langage polytechnique, il est un organe. Il peut tenir lieu de la vue, comme si l'oreille voyait. Il est un sentiment, car aimer, souffrir, mourir, ce n'est jamais ici que parler. Il est une substance, il protège. Être confondu, par exemple, c'est cesser de parler, c'est être découvert. Il est un ordre. Il permet au héros de justifier ses agressions ou ses échecs et d'en tirer l'illusion d'un accord au monde. Il est une morale. Il autorise à convertir la passion en droit. Voici peut-être la clé de la tragédie racinienne. Parler, c'est faire. Il ne s'agit nullement de verbalisme. Le théâtre racinien n'est pas un théâtre bavard, bien moins en un sens que celui de Corneille. C'est un théâtre où agir et parler se poursuivent et se rejoignent pour se fuir aussitôt. On pourrait dire que la parole n'y est pas action, mais réaction. Cela explique peut-être pourquoi Racine s'est soumis si facilement à la règle formelle de l'unité de temps. Pour lui, le temps parlé n'a aucune peine à coïncider avec le temps réel, puisque la réalité, c'est la parole. Pourquoi aussi il a fait de Bérénice le modèle de sa dramaturgie. L'action y tend à la nullité au profit d'une parole démesurée. la réalité fondamentale de la tragédie, c'est donc cette parole-action. Dans un monde inexorablement divisé, les hommes tragiques ne communiquent que par le langage de l'agression. Ils font leur langage, ils parlent leur division. C'est la réalité et la limite de leur statut. Ce paradoxe explique le caractère affolé du logos racinien. Il est à la fois agitation des mots et fascination du silence, illusion de puissance et terreur de s'arrêter. Car le silence est irruption du fer véritable, effondrement de tout l'appareil tragique. Mettre fin à la parole, c'est engager un processus irréversible. Voici donc apparaît la véritable utopie de la tragédie racinienne, celle d'un monde où la parole serait solution. Le langage n'est jamais une preuve. Le héros racinien ne peut jamais se prouver. On ne sait jamais qui parle à qui. La tragédie, c'est seulement un échec qui parle. Mais parce que le conflit entre l'être et le faire se résout ici en paraître, un art du spectacle est fondé. Il est certain que la tragédie racinienne est l'une des tentatives les plus intelligentes que l'on ait jamais faites pour donner à l'échec une profondeur esthétique. Elle est vraiment l'art de l'échec, la construction admirablement retorse d'un spectacle de l'impossible. En cela, elle semble combattre le mythe, puisque le mythe part de contradictions et tend progressivement à leur médiation. La tragédie, au contraire, immobilise les contradictions, refuse la médiation, tient le conflit ouvert. Et il est vrai que chaque fois que Racine s'empare d'un mythe pour le convertir en tragédie, c'est toujours en un sens pour le récuser, le paralyser. Mais précisément soumis à une réflexion esthétique profonde, ce refus du mythe devient lui-même mythique. La tragédie, c'est le mythe de l'échec du mythe. La tragédie tend finalement à une fonction dialectique du spectacle de l'échec. Elle croit pouvoir faire un dépassement de l'échec. Toute chose ruinée, la tragédie reste un spectacle, c'est-à-dire un accord avec le monde. Il semble bien que le public aujourd'hui consomme Racine d'une façon purement ontologique. Dans Phèdre, c'est le personnage de Phèdre qu'on vient voir. Et plus encore que Phèdre, l'actrice elle-même, comment s'en tirera-t-elle? On sait que les critiques de théâtre datent communément leur âge d'après les Phèdres qu'ils ont vus. Le texte lui-même est reçu comme un ensemble de matériaux où le plaisir fait son choix. Des vers heureux, des tirades célèbres, s'enlève sur un fond d'obscurité et d'ennui. C'est pour cette actrice, ses vers, ses tirades, que l'on vient au théâtre. Le reste, on le supporte, au nom de la culture, au nom du passé, au nom d'une saveur poétique patiemment attendue. Le Racine public, je n'ose pas dire populaire, c'est ce mélange d'ennui et de fête, essentiellement un spectacle discontinu. Or, la diction racinienne telle qu'elle se pratique communément aujourd'hui flatte et embarrasse tout à la fois le goût du public. Elle le flatte parce qu'elle lui présente un sens bien accordé de cette volonté d'anthologie dont je viens de parler. Et elle l'embarrasse parce que ce sens morcelé, anthologique, elle le récite, le soutient par un souffle artificiel. Tout se passe comme si la diction racinienne était le résultat bâtard d'un faux conflit entre deux tyrannies contraires et pourtant illusoires, la clarté du détail et la musicalité de l'ensemble, le discontinu psychologique et le contenu mélodique. Tout l'embarras visible des acteurs et du public devant un théâtre que l'on veut traiter à la fois comme une comédie psychologique et comme un oratorio. En ce qui concerne la diction du texte racinien, je rappellerai que c'est là un élément traditionnel de l'esthétique bourgeoise. L'art bourgeois est un art du détail. Fondé sur une représentation quantitative de l'univers, il croit que la vérité de l'ensemble ne peut être que la somme des vérités particulières qui le constituent. Et que le sens général d'un vers, par exemple, n'est que l'addition pure et simple des mots expressifs qui le composent. Ensuite de quoi, on attribue une signification emphatique à la plus grande quantité possible de détails. Dans la coulée du langage, le comédien bourgeois intervient sans cesse. Il sort un mot, suspend un effet, fait signe à tout propos que ce qu'il dit là est important, a telle signification cachée. Cet art pointilliste repose sur une illusion générale. Non seulement l'acteur croit que son rôle est de mettre en rapport une psychologie et une linguistique, conformément au préjugé indéracinable qui veut que les mots traduisent la pensée, mais encore, cette psychologie de cette linguistique, il l'imagine chacune par nature, morcelée, composée d'éléments discontinus. Chaque mot devient pour lui une tâche précise. Il veut, à tout prix, manifester une analogie entre la substance musicale et le concept psychologique. Cette analogie, fausse, il n'y a qu'un moyen, bien pauvre, pour l'exprimer. On accentue certains mots. Mais bien entendu, l'accent n'est plus ici musical, il est purement intellectif. Ce que l'on met en relief, c'est un sens. L'acteur dit Racine à peu près comme un écrivain souligne ou met en italique certains mots de son texte, procédé didactique mais non esthétique. Ce morcellement des significations a pour but de mâcher, en quelque sorte, le travail intellectuel de l'auditeur. L'acteur se croit chargé de penser pour lui. Il y a entre l'acteur tragique bourgeois et son public un rapport singulier d'autorité qui pourrait peut-être recevoir une définition psychanalytique. Le public est comme un enfant. L'acteur est son substitut maternel. Il lui taille sa nourriture, lui propose des aliments tout coupés que l'autre consomme passivement. C'est là un rapport général que l'on retrouve dans bien d'autres arts que le théâtre. C'est par exemple en musique, le rubato, qui est lui aussi une expressivité emphatique du détail, la substitution du sens particulier au sens général, de l'interprète au consommateur. On peut dire que la diction racinienne est la plupart du temps tyrannisée par le souci du rubato. Et de même que le rubato, par son indiscrétion, détruit le sens naturel du texte musical, de même, dans la diction racinienne, la signification excessive du détail détruit la signification naturelle de l'ensemble. À la limite, ce Racine tout mâché par l'acteur devient inintelligible, car l'addition de détails excessivement clairs produit un ensemble obscur. En art aussi, une loi veut que tout ne soit pas la somme pure et simple des parties. En général, la pièce qu'on présente n'est franchement ni une comédie dramatique, où les personnages se définissent par une interpellation véritable, ni un poème lyrique, où la voix s'exprime rêveusement dans une profondeur. Tout se passe comme si l'acteur se débattait, non pas lui-même avec lui-même ou d'autres hommes, mais avec une sorte de langue obscure. Et imagine-t-on un acteur chinois qui combinerait indiscrètement le respect d'une symbolique ancestrale et une expressivité personnelle empruntée à notre naturalisme. Dans tous ces arts où la technique tient lieu systématiquement d'expression, le talent de l'acteur ne peut être que la connaissance parfaite de cette technique et la conscience de sa fin. Aux deux sens de limite et de but. Un acteur racinien qui saurait ce qu'est l'alexandrin n'aurait pas à le chanter. L'alexandrin chante tout seul si on le laisse libre, libre de manifester son essence d'alexandrin. Ces problèmes sont très importants parce que dans un langage aussi distant que celui de la tragédie classique, le choix de la diction domine de très haut le choix de l'interprétation. On pourrait dire qu'il n'y a plus à interpréter Racine une fois que l'on a choisi la façon de le dire. Ou plus exactement, une diction distante entraînerait naturellement une interprétation tragique. Dans la Phèdre du TNP, montée par Villard, le succès d'Alain Cuny, par exemple, tient à un pouvoir personnel. Il a réussi l'épreuve décisive du théâtre racinien. qui est la diction. Cette réussite vient de deux démystifications. Cuny ne morcelle pas le sens. Il ne chante pas l'alexandrin. Sa diction est définie par un être-là pur et simple de la parole. Dans la tragédie classique, le discours se définit par une très grande disproportion entre le signifié et les signifiants. Une tirade, par exemple, n'existe sémantiquement que par 3 ou 4 articulations capitales, comme si le langage tragique avait surtout à manifester des changements d'attitude, plus que ses attitudes elles-mêmes. Cuny semble avoir compris le discours tragique qui procédait par avancée de grands plans immobiles, de paliers. Il ne sort pas les mots, les inflexions, les accents. Il intervient dans son propre discours que pour manifester clairement ses plus grands changements. En bref, sa diction est massive. Il procède par masse. Cette massivité produit sur le fond 2 résultats. D'abord, le discours racinien devient enfin pleinement intelligible. Les obscurités de la langue, les contorsions syntaxiques imposées par la métrique disparaissent sous la proportion massive des intentions. Et puis surtout, la psychologie est distancée. Thésée n'est pas le mari cocu d'une femme adultère, terme qui menace sans cesse toute interprétation du théâtre racinien. Il est vraiment, essentiellement, une fonction tragique. Celui pour qui le secret existe, par qui il est dévoilé. Le Thésée de Cuny est vraiment en rapport avec les dieux. C'est vraiment un être chtonien qui a connu les morts, sorte de bête énorme et pensive qui tourne vers la psychologie de sa famille, ses passions, ses mensonges, ses remords et ses cris, un regard revenu d'outre-terre. Et du même coup, la tragédie est enfin fondée, car les dieux sont la détermination même du tragique. Pour jouer tragique, il suffit de faire comme si les dieux existaient, comme si on les avait vus, comme s'ils avaient parlé. Je ne sais s'il est possible de jouer Racine aujourd'hui. Peut-être sur scène, ce théâtre est-il aux 3/4 mort. Mais si l'on essaye, il faut le faire sérieusement. Il faut aller jusqu'au bout. La première à 16 ne peut être que de balayer le mythe Racine, son cortège allégorique, simplicité, poésie, musique, passion, etc. La seconde, c'est de renoncer à nous chercher nous-mêmes dans ce théâtre. Ce qui s'y trouve de nous n'est pas la meilleure partie, ni de Racine, ni de nous. Comme pour le théâtre antique, ce théâtre nous concerne bien plus et bien mieux par son étrangeté que par sa familiarité. Si nous voulons garder Racine, éloignons-le. C'était Festival d'Avignon 1996, texte nu, Honneur et bonheur du théâtre, présenté par Claude Santelli. Françoise Fabian lisait des extraits de Sur Racine de Roland Barthes, édition du Seuil. Réalisation Marie-France Nussbaum, première diffusion sur France Culture le 3 octobre 1996. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.